de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. On se retrouve pour l'émission Hind à Brezhoneg, Kentel Pem Kan Pem à Trégonde, 500. Pem à Trégonde, 535. Henri Le Naou est avec nous, comme d'habitude, pour nous guider sur les chemins du breton. Henri, le mot de la semaine, le mot des mots de la vie guerrier arvué, ce sera quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai pensé parler d'un adjectif qui est rut. Rut, alors qu'on trouve écrit soit avec un T, soit avec un D. Il serait plus logique de l'écrire avec un D, puisque quand il y a une liaison, c'est D qu'on entend, un redé, hein, et qui veut dire raide, rigide. C'est pas forcément un compliment, ça. C'est pas, au sens figuré, c'est pas forcément un compliment. Quand on le dit d'une personne, c'est pas bon. Non, rut, oui. Rut, alors ça peut être au sens physique ou au sens moral. D'accord. On va voir ça. Alors donc, c'est emprunté à l'ancien français roide, qui vient du latin rigidus, hein, qui a donné aussi rigide. C'est-à-dire, raide et rigide, c'est le même mot, mais rigide, c'est une forme plus savante, quoi. Donc, la forme populaire étant roide, qui a donné raide. J'ai pensé à ça parce que l'autre jour, j'écrivais un petit article sur le camélia, là, et j'avais écrit « Delio amélia, eso reut à l'ufron ». Les feuilles de camélia sont raides et brillantes. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas traité cet adjectif-là. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant de le faire. Voilà. Alors, rut, au point de vue physique, par exemple, on trouve ça dans des expressions comme kofrut. Kofrut, c'est quelqu'un qui a bien mangé, qui a le vent raide. Hein. Voilà. Ou on dit zarrut aussi, de façon plus populaire, plus ironique. Hein. Zarrut, hein, c'est le même sens. Hein. Voilà. Il y avait aussi une expression, par exemple, dans le même genre, « On den trudigo va redigen ». Quelqu'un qui a le ventre maigre, quoi, hein, mais qui a le dos raide. Hein, voilà. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un de fier, c'est quoi? Non, c'est... quelqu'un qui n'est pas trop bien nourri, quoi, hein, qui est un peu décharné, quoi, hein, voilà, et qui de ce fait se tient bien quand même puisqu'il n'a pas grand chose à porter, voilà. Une expression aussi, redvelonibil meskelut urblut, redvelonibil meskelut, raide comme une cheville dans la farine, droit dans ses bottes, quoi, hein, ouais. Ouais. Très à la mode en ce moment, ça. Ça, j'aime bien cette phrase. On imagine bien, hein, une cheville plantée dans la farine. Ça s'appelle de l'aplomb. Oui, voilà. Alors, beaucoup d'expressions avec brut. Hein. Par exemple, laborut, un travail raide, hein, difficile. Vicherut, un métier rude. Hein. Un divrerud aussi, par exemple. On dit ça pour les membres aussi. Hein. Un divrerud, hein, les bras raides. Hein. Voilà. Il y a un proverbe qui dit « qui trud l'ostrud », un chien maigre a une queue raide. Ça, c'est un petit peu... Il y a un sous-entendu qui est un peu leste là-dedans. Voilà. Blairut, hein. Des cheveux raides, hein. Voilà, et orvouesreud aussi, une voix rude, hein, quand on parle pas de façon très très aimable, hein. Alors il y a des dérivés, redaden, hein, redaden, qui est le raidissement, qui est un mot féminin, hein. Et bien sûr il y a le mot féminin comme masculin, comme souvent redadur, hein, qui a le même sens, hein. En masculin, puisque tous les mots en adur sont masculins, sauf plijadur. Voilà. Alors, à partir de là, des verbes, hein, redine, raidir, se raidir, et ici, on emploie plutôt retate. Retate, devenir raide, hein, se raidir, hein, voilà. Ou faire raidir quelque chose. Hein. Voilà. Et le participe passé, c'est redate, hein, retate. Devenu raide, quoi. Alors, bien sûr, puisqu'il y a retade, il y a dit retade, hein, qui est ramollir, hein. Voilà. Alors, autre expression avec reud, au banarini reud, un coup de raide. Ça se dit en français voilà, aussi. Ben oui. Du fort, quoi. Du fort, oui. Voilà. Souvent, on a des comparaisons, par exemple, redvelovaz, hein, raide comme un bâton, redvelopress, ça c'est assez amusant, c'est raide comme une armoire. Oui, on imagine qu'une armoire, ça n'a pas beaucoup, ça se plie pas facilement. Quoi. Même des fois, on disait redvelopress horloge, tiens, justement, l'horloge est en train de sonner, redvelopress horloge, hein, raide comme une horloge. Comme une armoire d'horloge. Voilà. Eh ben, Komsrud aussi. Hein. Komsrud, parler raide. Hein. Et une expression aussi, Schumederud Warendaschen, hein, il est resté raide sur la place, c'est-à-dire il est mort, quoi. Hein. Voilà. Rudvelondenmar, hein, raide. Hein. Voilà. Raide, on dit en français d'ailleurs, raide mort. Hein. Voilà. Eh ben, Gememontemtro Warendaschen. On passe à la seconde partie, Brezhoneg tamm ha tamm. On part faire un petit tour dans Brezhoneg tamm ha tamm, Méry, je crois, aujourd'hui. Oui, voilà. Alors aujourd'hui, c'est Albert Gag, hein, de Zantol, de Kerblay exactement, qui est allé au Salon de l'agriculture et qui est revenu. Et donc Chanik est allé le voir pour en parler. Salut d'Albert, Marge. Matré Chanik. Ah oui, Matré Ganar. Ya, mais la redine, Albert, clévet meus ur bet nevesso, bas allons à la bourdoua, guiré. Ya, fait ya, bat. Bédon de Blam en Roise, plusieurs adines montor on tombe trop, de Baris, Péveur Salons, Chomberan d'Au Pédridé, plus dur mon me brûlouille au Chomménan, dis ne vec arrêtine paix au Notel, à Montegousque de Notel, à Gualoré, Bounba, Gamba Formi, plusieurs adines montor Salons, plus dur énorme avec Guel Calz de Dut, et en près d'où Grand Calz de Dut, à Calz de Bepsordler de Sbro Vrance. Ag bepsor lonne de veljus, tjezeg, zout, devet, mor. A lonne de zovro? Ja, e blaman e oa baninorio e ver, de ze wen bris du breiz, handvet fin, or via rwerla, o ton de ze bro redon, a gwelem eus neil, juz oa ler oa betram ne fancholand, Musgwell vers Musgal et Tostatei. Ah, tant avec Pustraul Lipus? Ja, Chanik. L'osir, fruise, qui porl, guin, gist. Mais Mustra verrait in diwal, vanois, dans aïe. Mon hérite, was? Ja, j'en jalrand mon benebla, was, ma ve mon me yeret. On va reprendre phrase à phrase ce dialogue, Henri. De dialogue entre Albert et Chanik, qui, voilà. Albert qui revient. Du salon de l'agriculture. Salut d'Albert, ma de jeu. Oui, bonjour Albert, ça va? Ma très Chanik, naroui, ma de jeu, gonor? Très bien, Chanik, et vous, parce qu'il a vous voir, hein, comme on fait tous par ici, ça va bien avec vous? Ya, ya, mais la redine, Albert. Clivet meus, orbet neveso, bas salons à labour douar, guiré? Voilà, oui, mais dites-moi, hein, la rétine, Albert, Clevenmeus, j'ai entendu, orbe neveso, bas salon de l'arbourdoir, que vous êtes allé il n'y a pas longtemps au salon de l'agriculture. Feyavat. Ah oui. C'est vrai, Guiré, hein, c'est vrai. Feyavat. Ah oh, bah vraiment, oui, hein, Feyavat, hein, ça c'est difficile à traduire. Bédon, Arblamorois. J'y suis allé encore cette année. Plijradine monde, d'Oberentantro, de Baris, Pavers Alons. Oui, j'aime bien aller faire un tour à Paris quand c'est le salon. Chomarandao pedride. Je reste 2 ou 3 jours. Péguir et membreur Louille au Chomeno. Puisque mon frère Louille, Louis, hein, habite là-bas. Et Guissé, Nevekeredine monte dans l'hôtel d'Agousquet. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôtel dormir, c'est quand même important. Pligeradine monte dans le salon. J'aime bien aller au salon. Gwelet Vekals Dut. Oui, on voit beaucoup de gens. Autour de Sbep Sertler, de Sbro France. Oui, qui viennent de pas mal d'endroits de France. À Bep Sertlonet. Et toutes sortes de bêtes. Kees, Exaut, Dinvet, Mour. Oui, des chevaux, des vaches, des moutons et des porcs, des cochons. À Lonet de Zavro. Et des bêtes du pays. Ah, ya. Arblamant, et oua. Baninorio, Arvior, de ce. De Zorwen Brise du Brise. Oui, voilà. Oui, cette année, hein, était dans les honneurs, un bout de Baninorio, hein. C'est être dans les honneurs. Une vache, hein, donc, de la race pinoire bretonne. Andvet Fine. Qui s'appelle Fine. Arvior, Huerbla, au ton de ce Brodon. Oui, une vache de 6 ans qui venait du pays de Redon. Gwelet Meusneil, Antam Moirler, Fancholande. Oui, je l'ai vu un peu après Fancholande, qui était venu pour l'inauguration. Attends, votre postra au Lipus, demande Chanik. Et vous avez goûté de bonnes choses? Ja, Chanik. Lotzer, Frouez, Kikporel. Alors oui, des gâteaux, des petits gâteaux secs, hein. Des fruits, de la viande de cochon. Guin, schiste. Oui, du vin, du cidre. Mais pas zré. Mais pas trop. Car rédédine d'igual me mestra. Parce qu'il faut que je fasse attention quand même. Benoît, on est rué. Bah oui, à l'âge que j'ai, il arrive à 80 ans. Hein. Ah quand même. Oui. Mon héritroise. Vous irez encore? Ah, ya, zon je le rende mon benabla, roas, m'avait mad me yéret. Oui, je pense aller encore l'année prochaine, si ma santé le permet. Bon, on termine là, ce petit dialogue sur le salon de l'agriculture, et on passe à Petra Zonevervro. Thank you. Thierry Petras au Névervron. Ben, Calzedra ou Névervro, Boervé, je dis où en. Gros gomme de Dientan, Velkis, Acustum, Gandela, Bourdouar, à Gandor, Vue et Warmes. Bon, tramène des Missouir, vraiment, Missouir est bien, Velar et Régos, n'est que Béré Sterne, Mestra, n'est que Béré Oloscorn, n'est que Bétan Merbit, à cette Yombaï, vraiment, bah, Miss Meurs, à Mondoran, Moarzu, Neve Hamzer. Vie de chasseur, il y en a quasi échu, vraiment, un Hamzer de chasser, là, à vraiment, vos Hamzer, vie d'or Besqueteras. Vodigor de Besqueteras, bah, Crazy Miss Meurs, avec vos gueules de Besqueterien, Hid, quand Stereo, Velchust, hein, Velkis à costume. Videlar Bourdouar, bon, de Pem Warnug, ne visouere, Wadigor, de Salons de la Bourdouar, bah, Paris, avec Arzo Bécals de Dude, à Cals de Londres, d'un Spen Permis Londres, ou ouais, de Veld, hein, avec Nomisque, ou à Baninor, il y a au plan, Orver de The Owen Brise du Braise, avec bon spen vite et wap, il y a dig ver de The Owens, avec Homme ou à Fin, hein, ver Werla, Werla, avec ou à de Sbro Redon. Juste rogue salon, on tombe rogue salons, ou à être dans l'angle Xavier Belin, ou à président d'un FNSEA, ag, zo marg an o lamp galon, hein, evel Jean-Michel Le Métayer, arrogant, hein, ou à que médaille la Antercan, sais-tu, vos, bah, fine mismeurs, vos, aime vos d'un FNSEA, bah, Brest, ag, vos dibab, or président de Neve, evel juste, hein, Christiane Lambert, rat, ou ardro, hein, ou rotas, ou lac d'o président de Neve. Bon. Vipézel de la Bourdoua, un din hors studi bah, agro campus Rennes, Roison, un pèlerin mort, un osgred hors studi ou à referme ou à brace, vraiment autos de très grande mille de ferme brace, à ben Deauville, ben Mouardugen, ne vaut que chine, mais de, on tombe mûr vie du Gunmille, de ce studi, ma treize ne vaut que très guire, mais drévras, du roi vaut guire, un peu dur, zo, ne peut-être aura un univers, ne fera mieux, hein. Végénome, zo, contendard de ce giste, hein, arrangissement, bah, salon, zo, bé, d'au, au rond, qu'on vit de giste, à que vraiment, vé, comme, zo, d'on tombe mûr de ce giste pire, puis dur, vé, guette giste, grand hall, mais vé, je, grand pire. Ag, bah, ton front, ah, bah, Normandie, zo, naos, visé. Ag, graisen, studi, si, zo, labourad, war, gispir, evide, kad, guipir, ag, refe, vreus, abritor, car, del, echet, got, az, gualbel, hein, de grad, freus, war, guipir. Bon. Comme ze vecals, mar, aimant, ivé, pivé, comme ze, de ze, labourdouar, de ze, nezen, métal, bon, plus dur, moyenne zone d'or méthane, grande calze trop, hein, grande taille, grande, trop brègne, trop, dit-il-eux, que de ce, l'arbre doux, ag, repère, zo, rond d'or, au méthaniseur, velvelard, au pèse méthaniseur, balle-en-balle, ag, clève meus, prestige, qui reboute une camper et une drogue en méthane. Ag, grand méthane, deux, l'arbre doux, argisman. Bon, bah, bro, Allemagne, zo, Berne, de, Stal, Yaudis, hein, bah, bro, Vrande, ce que calse, bétac, vraiment, mais, matazen, teizé, ou à l'air. Lèse, bon, caïd d'hermade, vé, comme, de, ze, cudé, nous, lèse, hein, plus dur, gouderam, nakabad, un trou, grand, lèse, avec, dreistol, grand, de prise. Ag, on dra zoué, zuzoir, et, les zo, mais normand, ne ce que trawar. Plus dur, bon, et bédibob de zo, de pelzo, et bédibob de, vie d'oreille, les trut, hip calz, druand, ibars, a setu, ne ce que calz, ne ce que normand noir, tin, ag, stal, yo, in plus jeune normand, ne ce bir, quand normand, mar et bon. Bon, comme se fait calze de ce des heures Pâques. Alors, Pâques, automne, Dermat, avec comme des heures Pâques, hein, Trugen, Lasso, voilà, que des heures Pâques, de la bourrade, hein. Avec, tripe, berbe, la pemple, avait échangé de, un trou, à Bopez, au, cudénou, avec vraiment, zo, on, comme des heures Pâques, d'auville, Hugen, avec, bon, quelle de vos pissam mot de vos con, Ganzi. Hendel zo cudé nous remarrément gand coco you pempoul plus dur ré endu de zer coco you vp de zer andaman ag vraiment vé les stradures zo cas payo endut la cas de broduer yen de payo endut de neur ag zo cudé nous vanzé à ma treize ne bénéfine vos narvar coco you pempoul quoi elle voit pis sa mode vos con cudé nous au ivé quand nu au plus dur goudoré dans me bah bro braise en me au cal ze saver hier plus dur dogen dragon de ze nu au vais produire de braise à cal de ze nu au je vais produire de baclu ou zeret à stalio bros au jonge de pasguerze tin u au de ze glu ou zert ben dauville pem warnugen ag pesa mot vo kon den ben na war was plus dur calz d'une ne sged au bern fraise war war ludo hein ag benefine avec guard de pesa mot vo kon bod vi kom zon tamp de zon economies blavs dauville seite ge vo bla nentour plus dur vo lance de un LGV velvelard d'un très Paris à Roison bah mis est vos prest linens ag bon je roi vos cals du do tapo en train vimon vous ni so roar war en ouan bon comme ça mon temps de ce zivinadio Hugen Lasso a été nanan une Jean-Édouard Nallier au scrivanier à Gondin Istrog longtemps au scrivanier de Jean-Claude Lamy ne scrive d'Oliver ou Jean-Édouard Nallier l'idiot insaisissable Oliver elle puis dur on comme de lever yo zo bezave ne vaisseau scrive ne vaisseau Oliver elle zo bescrive de Gond Michel Prisiac war Locarn, war Parous Locarn, hag zo haunet Locarn Valley, zoznek, zuroar vid or an tamm zerlag de Silicon Valley, war an dramnek et disse. Hag ur hier a rog zo skrivet gant Joseph Le Bihan, ne skrouvet krouet skolveur Locarn. Pe on komz de Sleverio, vejo komz an de ze film ou Philippe Guillou ne se guette au film de ce que voit Galbelzo, ou Arbu et Mathieu Endour, sur Gourenard, sur Seisla Atreg, on a Matresse, on fait, vous échu presti, Garrière, en Gourenard, en Ganton, à ne se guette au film, ou Arzi. Galpesé, non? Bien. Mais ce que quoi leur film, tram de vos sur Ouar, ben télé, presti, hein. Ah oui. Y'a, bah oui. Ah oui. Gilles Serva, ne se enrôle de Nevesso, or Blanden, et vide Hunter Kahn de la war le Reno hein ag, bon n'est que néanmoins que d'une boire soit mais presti de vos roi en blanc de grand il serva bon de Déadar et Hamzer Hunter Bob plus dur bon ben de Dose que lui meurs vos ba Melcarez à Bacawan à Walherbe ba Misible vos ba Pondi vide et chui quoi Ag gant ur c'hant ur bob, gant déchu e me gont adenn. Bon, déchu e vidudu. Merci, Eric. En a vo. Ya, ti en a vo.